Les hommes sont étrangers les uns des autres, rien ne les lie, les liens de famille sont purement charnels. Ils ne sont point solidaires d'un passé où ils n'existent pas. Avec celle du néant, après la mort, tout rapport cesse avec la vie. Ils ne sont point solidaires de l'avenir. Par la réincarnation, ils sont solidaires du passé et de l'avenir, leur rapport se perpétuant dans le monde spirituel et dans le monde corporel, la fraternité a pour base les lois mêmes de la nature. Le bien a un but, le mal a ses conséquences inévitables. Avec la réincarnation tombent les préjugés de race et de caste, puisque le même esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. Si donc la réincarnation fonde sur une loi de la nature le principe de la fraternité universelle, elle fonde sur la même loi celui de l'égalité des droits sociaux et par suite celui de la liberté. Reconnaissons donc, en résumé, que la doctrine de la pluralité des existences explique seule ce qui, sans elle, est inexplicable, qu'elle est éminemment consolante et conforme à la justice la plus rigoureuse, et qu'elle est pour l'homme l'ancre de salut que Dieu lui a donnée dans sa miséricorde. Le but de la réincarnation pour les esprits supérieurs peut être résumé par l'explication suivante. Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation, pour d'autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi un autre but. C'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. C'est pour l'accomplir que, dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce monde pour y exécuter, à ce point de vue, les ordres de Dieu. De telle sorte que tout en concourant à l'œuvre générale, il avance lui-même. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que, dans cette action même, il trouva sa moyen de progresser et de se rapprocher de lui. C'est ainsi que, par une loi admirable de sa providence, tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. L'incarnation est nécessaire au double progrès moral et intellectuel de l'esprit, au progrès intellectuel par l'activité qu'il est obligé de déployer dans le travail, au progrès moral par le besoin que les hommes ont les uns des autres. La vie sociale est la pierre de touche des bonnes et des mauvaises qualités. La bonté, la méchanceté, la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, l'hypocrisie. En un mot, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme pervers a pour mobile, pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables. Pour l'homme qui vivrait seul, il n'y aurait ni vice ni vertu. Si, par l'isolement, il se préserve du mal, il annule le bien. Le progrès chez les esprits est le fruit de leur propre travail. Mais, quand ils sont libres, ils travaillent à leur avancement avec plus ou moins d'activité ou de négligence selon leur volonté. Ils hâtent, ainsi, ou retardent leur progrès et par suite leur bonheur. Tout esprit qui reste en arrière ne peut s'en prendre qu'à lui-même, de même que celui qui avance en a tout le mérite. Le bonheur qu'il a conquis n'en a plus de prix à ses yeux. Le progrès intellectuel et le progrès moral marchent rarement de front. Mais ce que l'esprit ne fait pas dans un temps, il le fait dans un autre. De sorte que les deux progrès finissent par atteindre le même niveau. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des hommes intelligents et instruits très peu avancer moralement et réciproquement. Une seule existence corporelle est manifestement insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qui lui manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui. Dans chaque existence nouvelle, l'esprit apporte ce qu'il a acquis dans les précédentes en aptitude, en connaissance intuitive, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. Toutefois, il est important de considérer que l'état corporel n'est que transitoire et passager. C'est à l'état spirituel surtout qu'il recueille les fruits du progrès accompli par son travail dans l'incarnation. C'est alors ainsi que se prépare à de nouvelles luttes et prend les résolutions qu'il s'efforcera de mettre en pratique à son tour dans l'humanité, ou alors lors de la réincarnation. Thank you.